bien carré, hein. Ah, faut que tu m'entends, Olivier. Manu, je crois que tu vas pas aimer. Pas trop les choses. Non, c'est merdique, c'est pas ton truc ça.